إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc cette petite introduction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, on va la faire inshallah au début de chaque cours. Et je vais juste pour cette fois-ci vous faire un résumé de la signification de qu'est-ce qui est dit dans cette introduction là. En fait, ça dit que la louange toute entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. On demande, nous le glorifions. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, on demande son aide, wa nastaghfiruhu, et on demande qu'il nous pardonne de nos péchés, et on demande la protection et on cherche refuge en Allah subhanahu wa ta'ala du mal qui est en nous-mêmes. Min shurur wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, et du mal ou des mauvaises conséquences de nos œuvres et de nos actions. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala guide, personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah subhanahu wa ta'ala égare, personne ne peut le guider. Et juste par rapport à ce point-là, il est important de savoir que la guidance et l'égarement sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinées. Mais en même temps, elles sont reliées à des causes. Elles sont reliées à des causes. Et toute chose dans la création, Allah subhanahu wa ta'ala, il les gère par sa sagesse. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala guide les personnes qui font les causes nécessaires pour mériter cette guidance, puis il égare également les personnes qui font les causes, qui font en fait par la suite qu'ils vont mériter d'être égarés. D'accord ? Il y a plein de preuves de ça dans le Coran. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ » C'est-à-dire, quiconque croit en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah guide son cœur. « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا » Et ceux qui font des efforts dans notre chemin, nous allons les guider sur nos voies. Et dans l'exemple de l'égarement, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos des juifs, dans surat As-Saf, si je ne me trompe pas, ou bien une de ces sourates, il dit « فَلَمَّا زَاغُوا, je pense que c'est dans surat al-Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, lorsqu'ils ont dévié, Allah subhanahu wa ta'ala a fait dévier leur cœur. C'est comme une rétribution en fait pour le mal qu'ils ont fait, du fait qu'ils ont rejeté la foi et qu'ils ont dévié. À cause de ça, Allah les a punis en faisant dévier leur cœur encore plus. Donc la guidance et les garments sont reliés à des causes. Et ça, c'est un point très important. Ça, c'est un point, en fait, qui devrait nous inciter à faire le plus possible d'efforts pour prendre les moyens nécessaires pour obtenir plus de guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'écarter des causes de l'égarement. Et c'est pour cette raison-là que dans chaque rak'a, quand on prie 5 fois par jour, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. « Ihdina sirat al-mustaqim » Guide-nous sur le droit chemin. Alors que on est tous des musulmans, donc en principe on est tous guidés, sauf qu'il faut comprendre que la guidance, elle est en degré, et c'est une chose qui est relative en réalité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans le Coran à ce sujet là وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى, Allah subhanahu wa ta'ala il augmente ceux qui ont été guidés en guidance. Ça veut dire que la guidance, elle est en degré. Elle n'est pas un seul, c'est pas un seul niveau. C'est pour ça que s'il y a un frère qui te rencontre une fois et puis qui te dit Allah yahdik, que Allah te guide, ça veut pas dire que t'es égaré, nécessairement. Hein? Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala, si quelqu'un fait un dua pour toi, ça c'est un dua en fait. Quand quelqu'un te dit que Allah te guide, en fait, c'est dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala t'augmente en guidance. Na'am. Donc, ensuite, donc celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Ensuite, il y a ash-shahadatayn. Je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens traduisent shahada par une traduction qui est incorrecte. Ils disent il n'est de Dieu que Dieu, ou il n'est de Dieu que Allah. Ça, c'est une définition ou une traduction qui est incorrecte de la signification du témoignage de la ilaha illallah. En réalité, quand tu regardes cette phrase, si tu dis il n'est de Dieu que Dieu, et tu demandes à quelqu'un qui n'est pas musulman qu'est-ce qu'il comprend de cette parole-là, et puis il va dire qu'il comprend et que ça n'a pas vraiment un sens. Il n'est de Dieu que Dieu, ça ne veut pas dire grand-chose en réalité. Et même les chrétiens seront d'accord avec cette parole, et même les juifs, et même parfois des gens qui sont dans d'autres croyances comme idolâtres par exemple, ils vont accepter de dire ouais, il n'est de Dieu que Dieu, c'est vrai. Donc c'est pour cette raison-là que c'est important de comprendre la vraie signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, excepté le maître, le créateur de toutes choses. Hein? Parce que parmi les êtres humains, il y a plein de gens qui reconnaissent qu'il y a un Dieu qui existe, et que c'est lui le Tout-Puissant, et que c'est lui le Créateur, et que c'est lui qui donne la subsistance, et que c'est lui qui est le maître de tout, mais malgré ça, ils donnent à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires dans l'adoration. Et ils prennent entre eux et Allah des intermédiaires pour se rapprocher à lui. Et c'est là que vient le problème, en fait. C'est là que rentre le problème de l'idolâtrie, et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à son peuple, c'est-à-dire à Quraysh, pour leur dire que tout ce que vous adorez en dehors d'Allah ne mérite pas d'être adoré, et que celui qui mérite d'être adoré, c'est Allah lui seul. Hein? Parce que les gens de Quraysh, contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent, ils ne reniaient pas l'existence de Dieu, et ils ne reniaient pas que Allah existe, et en même temps aussi, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens de Quraysh, les mushrikoun de Quraysh, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème, c'est que c'est qu'ils ne lui vouaient pas un culte exclusif. C'est-à-dire, ils adoraient Allah, mais ils adoraient d'autres avec lui. Hein? Donc, c'est ça qui fait que la parole de la ilaha illallah faisait tellement dur contre eux. Et ça leur faisait tellement mal d'entendre la ilaha illallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit justement dans Surah As-Saffat à ce sujet-là, إِنَّهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ. C'est-à-dire que ceux-là, lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil. Pour quelle raison ils s'enflaient d'orgueil? C'est parce que ils savaient que le fait de dire la ilaha illallah, ça impliquait de leur part qu'ils devaient abandonner et cesser d'adorer tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'étaient pas prêts à laisser tomber ça. Et ils s'accrochaient à ça parce que c'était relié à leur tradition, c'était relié à leur coutume, c'était relié à leur passion, c'était relié à leur désir. Et toutes leurs transactions économiques et sociales étaient basées sur ça. Donc ils n'étaient pas prêts à le laisser tomber pour le fait de dire la ilaha illallah. Donc par crainte de se contredire et par crainte de tomber dans un problème, de témoigner sans le mettre en application, ils ont refusé de le dire par orgueil et ont décidé de combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plutôt que de dire cette parole. Donc ça c'est la parole de la ilaha illallah. Ensuite, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et je témoigne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Hein? Et ça aussi c'est la deuxième partie du shahadatain, Et elle a aussi une signification fondamentale. Parce que sans la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'iman. Et en même temps, ça implique que la façon dont on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ça doit être fait selon l'exemple de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et montré comme exemple. Et tous ces principes-là que je suis en train de vous donner comme exemple, c'est, disons, un petit résumé de ce que le livre va nous expliquer en plus de détails encore. Avec des exemples du Coran et des versets et des hadiths et des paroles des savants de l'islam. Ensuite, shahada, en fait, on peut le traduire par je déclare, on peut traduire par je témoigne. Mais shahada, ça veut dire justement de déclarer et de témoigner, ouais, de proclamer ouvertement. C'est ça que ça veut dire. Et puis on va donner plus de clarifications sur le terme au fur et à mesure qu'on va expliquer le livre, Inch'Allah. Puis ensuite, par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait trois versets dans le Coran. Le premier verset, il disait « Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun » Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint, et ne mourrez qu'en étant des musulmans. C'est-à-dire ne mourrez qu'en étant des musulmans, des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset, ô vous qui avez cru, craignez Allah, c'est pas une traduction qui est précise. Parce que at-taqwa, ça veut pas dire la crainte, en réalité. At-taqwa, c'est beaucoup plus large que la simple crainte. At-taqwa, comme les ulama l'ont expliqué en arabe, ils disent huwa an taj'ala baynaka wa bayna Allahi wiqaya min 'adabihi bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi, c'est-à-dire que tu mets entre toi et le châtiment d'Allah une protection. Et cette protection là, c'est quoi? C'est de faire ce que Allah t'ordonne et de t'écarter de ce qu'il t'interdit. Donc du moment que tu as fait ce que Allah t'ordonne et que tu t'es écarté de ce qu'il t'a interdit, c'est comme si tu as pris pour toi-même une protection contre son châtiment. De la même manière, souvent les ulama donnent des exemples, comme par exemple, lorsque tu as froid, tu te protèges du froid en mettant un manteau. Ou lorsque tu as chaud, tu te protèges du soleil en te mettant à l'ombre. Ou en allant te rafraîchir quelque part où il y a de la fraîcheur. Donc ça, c'est un peu le sens de qu'est-ce que signifie at-taqwa. Sauf que at-taqwa, dans le sens de l'islam, c'est pas de se protéger contre des choses de la dunya seulement, mais c'est principalement de se protéger contre, yani, qu'est-ce qui est plus grave encore, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous attend dans l'au-delà, après la mort. Et haqqa tuqatihi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, craignez Allah comme il mérite d'être craint. Et est-ce que quelqu'un est capable de craindre Allah comme il mérite d'être craint? Il n'y a pas de doute que c'est pas possible, d'adorer Allah comme il mérite d'être adoré, et de s'écarter de ce qu'il nous a interdit, comme il mérite qu'on le fasse. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est possible pour les créatures? Ça c'est quelque chose qui est impossible de le faire réellement. Puisque, pourquoi? Parce que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de dire, lorsqu'il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, parfois il disait la nuhsi sana'an alayk, en s'adressant à Allah, la nuhsi sana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. Le seul qui est vraiment capable de se glorifier, le seul qui est vraiment capable de glorifier Allah comme il mérite d'être glorifié, c'est Allah lui-même. Personne ne peut glorifier Allah mieux que Allah se glorifie lui-même. Et nous, peu importe qu'est-ce qu'on essaie, on est toujours rempli de manquements, rempli de faiblesses, rempli de limites, de toutes sortes de limitations, toutes sortes d'ignorances, toutes sortes d'insouciances et d'indifférences qui entourent notre cœur, qui entourent notre vie, qui font en réalité que peu importe l'effort qu'on fait pour essayer d'arriver à atteindre la piété, on arrive toujours short, comme on dit en anglais, on arrive toujours court dans l'atteinte de cet objectif. Et c'est pour cette raison-là que dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat Taghabun, « فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ » Craignez Allah le plus que vous êtes capable. Et c'est pour cette raison-là que yani, les ulama ont dit que ce verset, il explique le premier. C'est-à-dire que celui qui a craint Allah le plus qu'il pouvait, il a craint Allah comme il méritait d'être craint pour lui, par rapport à lui. Et c'est bien entendu à condition que la personne soit sincère. À condition que la personne soit sincère. Parce que si quelqu'un dit « Ah, je fais mon possible » et puis qu'il ment ou qu'il n'est pas sincère avec Allah lorsqu'il le dit, eh bien, c'est sûr que Allah, il le sait. Hein? Donc, si tu mens, en fait, tu mens qu'à toi-même. Parce que Allah, il connaît les secrets de nos cœurs. Donc, فَتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ et ne mourrez pas qu'en étant musulmoun, qu'en étant en état de soumission. Hein? Pour nous rappeler qu'en même temps, personne d'entre nous, on sait, personne d'entre nous ne connaît le moment de sa mort. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Donc, aucun d'entre nous, aucune âme ne connaît qu'est-ce qu'elle va gagner demain, qu'est-ce qu'elle va acquérir demain, et aucune âme ne sait sur quelle terre elle va mourir. Donc, chacun d'entre nous doit s'attendre à ça, puis en même temps aussi, essayer justement de se préparer à ça, et de toujours être prêt. Parce que, étant donné qu'on ne sait pas quand la mort peut venir, essayez toujours d'être en état de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire en sorte que lorsque la mort nous atteint, eh bien, on est dans une situation dans laquelle Allah sera satisfait de nous. Le deuxième verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne par la suite, il dit « Ya ayyuha an-nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ce verset-là, ça veut dire encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne, il s'adresse aux hommes en disant, ô vous les hommes, craignez Allah, hein? يا أيها الناس اتقوا ربكم, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme, hein, qui vous a créé d'un seul être, c'est-à-dire de Adam. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا et de cet être, il a créé son épouse, Ève. Et il a fait par la suite que de ces deux êtres-là se multiplient, par la suite se sont multipliés beaucoup d'hommes et de femmes. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ et craignez Allah subhanahu wa ta'ala par lequel vous demandez les uns les autres et par les liens de parenté. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes yani celui qui vous surveille et qui vous regarde et qui vous voit yani, qui sait tout ce que vous faites, tout ce qui se passe dans votre cœur ou dans ce que vous faites, même lorsque vous êtes seul, lorsque personne vous voit. Il est un raqib, hein, sur vous. Et le troisième verset, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ou vous qui avez cru, craignez Allah et dites une parole droite, يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ il va réformer vos œuvres, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ il va pardonner vos péchés, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا et celui qui yani obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, il a certes yani reçu la plus grande de toutes les réussites. C'est la plus grande de toutes les réussites. Il n'y a pas de réussite meilleure que cette réussite. Hein? On se réjouit parfois quand on a réussi toutes sortes de choses dans la dunya, mais ça c'est des réussites qui sont éphémère et limité à cette dunya seulement. C'est pas la vraie réussite. La vraie réussite, hein, il y en a qui disent, ah, lui, il a réussi dans sa vie. Des fois, quand il a une maison, un bon travail, une épouse, une belle voiture, les gens disent, ah, il a bien réussi sa vie. Hein, c'est pas, et pourtant, parfois, cette même personne, elle a négligé tous les droits de son Seigneur pour obtenir ces choses. Et les gens disent, ah, il a bien réussi sa vie. Alors que, en réalité, personne n'a réussi sa vie que lorsqu'il est mort et qu'il est devant Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah est satisfait de lui et qu'il lui fait rentrer, il le fait rentrer dans son paradis. C'est là que Allah, hein, lui donne la réussite réelle. Et c'est là qu'on est vraiment, hein, disons, on peut dire qu'on a vraiment eu la vraie réussite. On a vraiment réussi sa vie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire en même temps que quelqu'un peut ne rien posséder des richesses de cette dunya et vivre dans la misère pendant toute sa vie, mais de vivre une vie, hein, de piété, et en même temps quelqu'un qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'écarte, hein, de tout ce que Allah lui a interdit, qui a une bonne croyance propre, qui n'associe rien avec Allah, qui s'accroche à la sunna, puis lorsqu'il, hein, meurt, hein, tous les hommes dans cette vie, quand les gens le regardaient, ils disaient, celui-là, il ne vaut rien, il a complètement échoué dans sa vie. Pourtant, lorsqu'il arrive au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la plus grande récompense. Hein? Donc, ce n'est pas par rapport au standard de qu'est-ce qu'on a établi entre les hommes comme standard de réussite et comme standard de vie, hein, pour dire que quelqu'un est rapproché ou éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une autre balance. C'est un autre standard de jugement qui est la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et ensuite, il disait amma ba'd, et c'est une parole amma ba'd, yani que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps les ulama et les gens en général, quand ils parlent, même les arabes, ils disaient ça pour séparer un sujet d'un autre. C'est-à-dire, amma ba'd, c'est-à-dire, et ensuite, donc, maintenant qu'on a donné cette introduction, maintenant on va passer à un autre sujet. Et là, il disait, wa inna khayr al kalam kalamullah. La meilleure parole, c'est la parole d'Allah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Que la meilleure guidance, c'est celle du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها. Et que les pires des affaires sont les affaires nouvellement inventées dans la religion. Et que toutes choses nouvellement inventées dans la religion sont des bid'ah, sont des innovations. Et toutes bid'ah sont des égarements. وكل بدعة ضلالة. Toutes les bid'ahs sont des innovations, toutes les bid'ahs sont des égarements, et tous les égarements mènent au feu. Donc, kulla dalalatin finnar. Donc, ça, c'est qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans chaque introduction de ses discours, de sa khutbah, et même quand il faisait les mariages. Aujourd'hui, les gens ont l'habitude, ils appellent le mariage al-fatiha. Hein? Alors que c'est pas sunnah de réciter la Fatiha lors d'un mariage. La sunnah, c'est de réciter khutbatul haja, c'est de réciter cette introduction là. C'est pour ça que vous allez retrouver que dans certains pays comme au Maghreb, les gens ils disent on a fait le Fatiha, en voulant dire on a fait le mariage pour quelqu'un. Et ça, c'est ça vient pas de la sunnah. Ça vient pas de, c'est pas, il y a pas de référence pour prouver ça, ni dans le Coran ni dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, c'est comme je vous dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son exemple, sa Sunna à lui, quand il faisait des mariages, c'était de réciter khutbatul haja. C'est ça qu'il récitait. Et les sahaba, dans les hadiths authentiques, ils disent que ils apprenaient khutbatul haja comme ils apprenaient le Coran. C'est-à-dire, on leur apprenait cette introduction-là. En fait, alhamdulillah, dans Khutbatul Hajj, il y a des versets de Coran qui sont mentionnés. Donc, ça, tu peux, si tu dis ça, dans ce cas-là, ça marche. Alhamdulillah, puisque ça fait partie des versets de la parole d'Allah et la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, en même temps, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connaît mieux la religion que nous. Donc, si lui, il faisait ça, et que c'est lui l'exemple à suivre, donc ça veut dire que il nous a montré qu'est-ce qu'il y avait de meilleur à faire, même si les gens ont pris l'habitude de faire autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui est important de prendre en considération lorsqu'on parle de religion, et surtout à notre époque, peu importe d'où on vient. c'est que entre nous et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans. Et donc, ça veut dire que il y a des choses qui ont été changées avec le temps. Il y a des choses qui ont été ajoutées, il y a des choses qui ont été enlevées. Et donc, si on veut savoir qu'est-ce que c'est réellement l'islam, c'est de ramener chaque chose à sa source et à son origine et à ses références, dans, justement de ramener les preuves du Coran et de la Sunna. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, si on regarde dans le Coran par exemple, beaucoup de musulmans n'ont même pas lu le Coran au complet une fois. Ça c'est pas tout, mais il y en a, j'ai rencontré des musulmans, ils m'ont dit j'ai jamais fini le Coran une seule fois. D'accord? Et il y en a combien de musulmans peuvent dire j'ai lu Sahih al-Bukhari du début jusqu'à la fin? Et combien peuvent dire j'ai lu Sahih Muslim du début jusqu'à la fin? Et Sunan Abu Daoud, et Sunan al-Nasa'i, et Sunan al-Tirmidhi, et Sunan ibn Majah, et les autres Sunan qui existent. Combien peuvent dire ça? Donc, ça c'est juste si on regarde Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, ça c'est les hadiths Sahih. Maintenant, les quatre Sunan après, dedans il y a Sahih et il y a qu'est-ce qui est Daif. Ceux qui les ont lus, est-ce qu'ils sont capables de distinguer entre ce qui est Sahih et ce qui est Daif dedans sans avoir étudié? C'est pas possible. Donc, beaucoup de gens, ils font des choses de l'islam, mais ils savent pas réellement est-ce que ça fait partie de l'islam ou non, mais parfois ils ont suivi aveuglément ce que d'autres personnes leur ont enseigné sans vérifier par eux-mêmes, ou ils ont pris de leur religion de personnes qui eux n'ont pas vérifié, mais ils se sont transmis les informations de génération en génération, parfois comme on appelle par taqlid, hein, c'est-à-dire le fait de se transmettre ça aveugle, de façon aveugle, hein, par confiance si on veut. Ils se font confiance les uns les autres. Sauf que personne n'est infaillible après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et peu importe le degré de science de quelqu'un, il peut toujours faire une erreur et se tromper. Et c'est pour ça que c'est important de ramener les choses au Coran et à la Sunna quand on a une divergence quelconque. Et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Coran « Ya ayyuhalladhina amanu » أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. C'est dans sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez à son messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit à ce sujet, hein, ou quoi que ce soit en général, ramenez-le à Allah et à son messager, si vous croyez réellement en Allah et si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on a comme divergence, comme différence d'opinion entre les musulmans, la façon de trancher entre ça dans ces questions-là, c'est de ramener ces questions-là au Coran et à la Sunna pour être capable de trouver qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux là-dedans. D'accord? Donc ça, c'est des grandes lignes, si on veut. Et donc ça c'est l'introduction qu'on appelle Khutbatul Haja. Hein? Donc je voulais vous l'expliquer lors du premier cours, parce que on va le répéter à chaque fois, puis comme ça au moins vous avez une petite idée de ce que ça signifie. Et probablement que vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, et si vous connaissez l'arabe, donc vous savez ce que ça signifie en général, mais sinon vous l'avez entendu probablement sans pouvoir saisir ou comprendre tout ce que ça peut signifier. Donc là, vous avez une petite idée maintenant. Donc, le livre qu'on va étudier ensemble s'appelle Tariq al-Wusul ila Idah al-Thalathat al-Usul. C'est un livre, en fait, si on veut, parce que pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est dans l'islam, quand on étudie l'islam, les ulama en général, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que, étant donné que si quelqu'un veut apprendre quelque chose, n'importe quel sujet, il peut pas directement aller vers des livres qui sont très très approfondis et très élaborés. Donc les ulama, pour débuter avec les étudiants, souvent qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent un petit livre résumé sur une science. Et ça, c'est pas seulement dans le domaine de la croyance islamique, mais c'est dans toutes les différentes sciences de l'islam, que ce soit dans l'aqidah, comme la croyance qu'on va étudier ensemble, ou bien que ce soit dans le tafsir, ou que ce soit dans le fiqh, ou que ce soit dans le hadith, ou que ce soit dans usul al-fiqh, ou dans n'importe quelle autre des différentes sciences de l'islam, les savants font toujours un petit résumé. Et ce petit résumé-là sert d'introduction à cette science. Et donc, ils le mettent en forme de qu'est-ce qu'on appelle mutun. Ça, c'est le pluriel. Sinon, le singulier, c'est matn. Okay? Donc, ils font un petit texte. Et c'est comme considéré comme un texte de base et un texte d'introduction dans la science en question. Et là, ils donnent ces livres-là à leurs élèves pour le mémoriser et pour l'étudier. Puis, par la suite, il y a d'autres livres, soit qu'il y a les shuyukh ou les ulama en particulier vont expliquer ces mutun et écrire des textes explicatifs de ces textes pour faciliter la compréhension, hein, ou bien ils vont écrire d'autres livres un peu plus élaborés pour aider la personne à comprendre un peu plus la signification de ce qui est écrit dans le résumé. Donc, le livre qu'on va étudier aujourd'hui, c'est un de ces genres de livres-là, c'est un matn qui s'appelle Al-Usul al-Thalatha, c'est-à-dire les trois fondements. Et ces trois fondements-là, c'est quoi? C'est premièrement la foi en Allah, la foi en son messager et la foi en l'islam. Et en fait, c'est tiré du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il mentionne que chacun d'entre nous, lorsqu'on est mis dans notre tombe, il y a deux anges qui se présentent et qui nous posent trois questions. Les trois questions de cet ange sont: qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Et quelle est ta religion? Donc, étant donné que ces trois questions-là sont fondamentales, eh bien, le cheikh, il a décidé d'écrire un livre pour expliquer ces trois fondements-là. Et c'est ça l'origine ou la base de ce livre qu'on appelle Al-Usul al-Thalatha. Le hadith, l'origine de ce hadith, ok, rapporté, je vais te le dire, Inch'Allah, je ne l'ai pas, mais lorsque... Ouais. Barakallahu fik. Donc, je vais te donner la référence exacte de ce hadith. Mais, en attendant, tu peux savoir qu'il est authentique. Ça, il n'y a pas de doute. Mais, Inch'Allah, en temps voulu, je vais te donner, peut-être au prochain cours, Inch'Allah, je vais t'amener la référence exacte avec le numéro du volume, de la page et le numéro du hadith pour que tu puisses aller, Inch'Allah, vérifier si tu veux. Barakallahu fik. Non, je doute pas que tu y crois. C'est juste pour que... Ça, c'est quelque chose qui est bien, en fait. Que les gens prennent l'initiative et prennent l'habitude de demander les références. Parce que ça, c'est quelque chose qui est malheureusement absent à notre époque. Il y a peu de gens qui demandent les preuves et les références. Et il ne faut pas se gêner de demander les preuves et les références. Si quelqu'un, quand il donne un cours ou quand il enseigne l'islam, il se met en colère, ou il s'enfle d'orgueil, ou il se fâche parce qu'on lui demande des preuves, alors vous pouvez vous écarter de cette personne. C'est-à-dire, prenez pas votre science de cette personne. Parce que si elle a peur de mentionner ses preuves et qu'elle se met en colère parce qu'on lui demande des preuves, ça veut dire qu'il y a un problème avec cette personne-là. D'accord? On ne peut pas juste accepter tout ce que quelqu'un dit aveuglément, juste à cause de ce qu'elle prétend être ou qu'est-ce qu'elle dit. Donc ça, c'est à ce sujet. Et donc ce livre Al-Usul al-Thalatha, donc c'est l'explication de ce sujet-là. Et vous allez voir que comme si quand on dit ça, la foi en Allah, la foi en son messager, la foi en sa religion, ça a l'air tellement simple et ça a l'air tellement banal et tellement élémentaire que beaucoup d'entre nous, lorsqu'on entend ça, on aurait l'impression que c'est quelque chose que tout le monde connaît, ça y est, on n'a pas besoin d'en parler. Hein. Il y a même des musulmans, malheureusement, qui ont cette idée-là. Ça ne sert à rien de parler d'aqida, de parler de croyance, hein, il ne faut pas parler de ces choses-là. Non, au contraire, c'est important d'en parler parce que c'est la base de notre religion. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait comme bonne action, tout ce qu'on fait comme bonne, qu'on dit comme bonne parole, hein, si elle n'est pas établis sur une bonne croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, toutes ces œuvres-là n'auront aucune valeur au jour de la résurrection. Hein? Celui qui n'a pas une bonne croyance en Allah, qui n'a pas bien compris la base de l'islam, le tawhid, et qui n'a pas compris la réalité de la foi en l'unicité d'Allah et la sunna du prophète, s'il fait des actions mais il ne les fait pas en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses œuvres ne seront pas acceptées par Allah. Et il y a plein de versets dans le Coran qui prouvent ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne par exemple dans sourate Al-Furqan, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. C'est-à-dire, on va prendre tout ce qu'ils avaient fait comme œuvre et on va les faire devenir comme de la poussière éparpillée par le vent. Pour les gens qui ne croient pas. Quand on dit les gens qui ne croient pas, ça veut dire les kuffars, yani en général, et les mushrikines, les gens qui adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui nie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou bien qui croit pas en un messager d'entre les messagers, ou qui croit pas au jour de la résurrection, ou qui croit pas, par exemple, en les anges, ou qui croit pas en la prédestination, ou bien qui nie un des piliers de la foi, hein, des choses de ce genre, ceux-là, leurs œuvres n'aura aucune utilité, ne servira à rien. Et celui qui fait des bonnes œuvres, mais qu'il ne les fait pas en accord avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, là encore, il n'aura pas de récompense pour les actions qu'il fait, parce qu'il n'a pas fait qu'est-ce qu'il fait selon l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une condition pour que l'action soit acceptée. Par rapport à cette preuve-là, okay, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad » Celui qui fait une œuvre qui ne fait pas partie de notre religion, elle ne sera pas acceptée. Et dans un autre hadith, « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad » C'est-à-dire, celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée. Et ces deux hadiths sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Et non, ça veut dire que si quelqu'un fait quelque chose, il ne fait pas selon l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Ben, en fait, je vais peut-être clarifier un peu plus qu'est-ce que je voulais dire, en fait, puis ça va peut-être répondre, en fait, à ta question. C'est que quand on dit que pour que nos œuvres soient acceptées, il faut qu'elles soient faites selon l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on parle de l'adoration, c'est-à-dire, il n'y a pas une façon de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, excepté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné et nous l'a montré. Et si quelqu'un veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par une forme quelconque d'adoration, sans le faire selon l'exemple qui nous a été montré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors cette façon d'adorer Allah ne sera, mais cette façon que cette personne-là invente pour adorer Allah, elle ne sera pas acceptée de lui. Comme c'est expliqué dans ce hadith. Dans le sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith aussi, et là je ne me souviens plus des mots exacts en arabe, mais la signification de ce hadith, ça dit, il n'y a pas une chose qui est bonne, excepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à sa umma. Et il n'y a pas, c'est-à-dire il nous a montré cette chose-là, et il n'y a pas une chose mauvaise, excepté qu'il est venu pour nous avertir à son sujet. Là, si on parle des questions d'adoration, donc les ulama, ils ont une règle générale de base qui dit que on n'a pas le droit d'adorer Allah, excepté si on est avec une preuve du Coran et de la Sunna pour le faire. Si quelqu'un veut adorer Allah par quelque chose sans qu'il ait une preuve du Coran ou de la Sunna pour le faire, cette adoration-là, elle ne sera pas valable. D'accord. Et ensuite, si c'est des questions de la dunya, c'est-à-dire des questions de ce qui a rapport avec des choses en dehors de la religion, là, dans ce cas-là, c'est le contraire. Les ulama, ils disent en principe que tout est permis, sauf s'il y a une preuve dans le Coran ou dans la Sunna pour l'interdire. Mais c'est deux domaines différents. D'accord. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Il ne faut pas mélanger les deux, sinon... on va créer beaucoup de confusion. Aynam. Donc, aynam. Aynam, ça c'est le Al-Arba'oun al-Nawawiyya. C'est un petit livre de hadith qui mentionne. Il y a, dans ce livre-là, il y a le hadith qui est mentionné. D'accord. Donc, pour comprendre ça, il y a plein d'autres versets aussi. Dans le Coran, on va en mentionner plus au fur et à mesure. Et puis en même temps, au prochain cours, Inch'Allah, j'amènerai des exemples de une liste et une série de versets. Il y en a une vingtaine, ou peut-être plus même encore, qui se concentrent sur ce point-là. Puis il y a plein de versets aussi dans le Coran qui ordonnent, par exemple, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. C'est-à-dire, ça c'est dans sourate Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé ou ont décrété une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc ça veut dire que le croyant, une fois qu'il a cru en Allah et son messager, eh bien, il n'a plus de choix de choisir comment il veut agir s'il y a un ordre qui est venu d'Allah et de son messager à ce sujet-là. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. C'est-à-dire, non, Allah subhanahu wa ta'ala jure par lui-même. Il dit non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils t'auront pris toi, en voulant dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme juge entre eux dans leur désaccord. Puis qu'ils n'auront trouvé en eux-mêmes aucune gêne de ce que tu as décrété et qu'ils se soumettent en complète soumission. Ça, c'est un autre verset qui prouve qu'il faut prendre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et accepter son jugement. Un autre verset aussi à ce sujet-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Hashr, وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc ça c'est l'ordre que ça c'est l'explication que on doit prendre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire ce qu'il nous ordonne, prendre ce qu'il nous donne et s'abstenir de ce qu'il nous a interdit. Et il y a aussi beaucoup d'autres versets comme ça dans le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. C'est-à-dire que ceux qui contredisent son ordre prennent garde qu'ils soient atteints par une fitna ou par un dur châtiment. Donc, c'est-à-dire qu'on doit obéir à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset وَمَنْ يُطِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Celui qui obéit au messager, alors il a certes obéi à Allah. Pour expliquer en fait qu'il n'y a pas de différence entre le fait d'obéir au messager et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si l'ordre te vient dans le Coran, tu dois obéir. Et si l'ordre te vient dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois également obéir. Puisque ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça ne vient pas de lui-même, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Najm, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. C'est-à-dire, il ne parle pas sous l'effet de la passion. C'est seulement une révélation qui lui est révélée. Donc ça veut dire que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, eh bien, ça c'est quelque chose qui fait partie de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas seulement le Coran, c'est également la sunna qui vient clarifier et expliquer la signification du Coran. Parce que sans l'explication du Coran, le Coran ne sert à rien. Si tu as regardez les chrétiens par exemple et les juifs, ils ont un livre mais ils peuvent rien faire. Ils sont tous divisés dans sa compréhension. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rien qui vient le clarifier. Et donc c'est pour cette raison-là l'importance de se référer non seulement au Coran mais de se référer à la Sunna aussi puisque c'est la révélation d'Allah également. Et à ce sujet-là donc juste en passant, pour faire comprendre que beaucoup de gens parmi les musulmans qui ont dévié, parmi les groupes qui ont dévié dans la Oumma, parmi les différentes sectes, ils ont dévié à cause de leur position et de leur attitude face à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous regardez franchement à travers toutes les sectes qui sont apparues dans l'islam, que ce soit les Khawarij, les Shia, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Qadariya, les Jahmiya et les autres sectes qui sont apparues au cours de l'histoire, eh bien, vous allez voir qu'ils ont tous dévié sur ce point-là, sur la question de la sunna et également, bien entendu, dans certains principes qui ont rapport avec justement la compréhension de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Donc, ça, Inch'Allah, à travers le cours, on aura l'occasion de revenir sur ça pour expliquer toutes ces questions-là en détail et pour comprendre au fur et à mesure comment ces choses-là sont apparues après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur du livre en question qu'on va étudier aujourd'hui, c'est l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il est né en l'an 1115 de la Hijra. 1115 de la Hijra. On est aujourd'hui en 1432. Donc ça fait, vous faites, pardon, 3 siècles, c'est ça. Ça fait environ 3 siècles qu'il est décédé, rahimahullah. Et le cheikh il dit, « Wa huwa l'imam, da'ya, al-nasih, al-mujahid, al-azim, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, ibn Sulayman, al-wuhaydi, al-tamimi. » Donc, cet imam, qui s'appelle Muhammad, le fils d'Abdul Wahhab, le fils de Sulayman, al-wuhaydi, al-tamimi, ولد هذا العالم الجليل في بلد في بلدة العيينة. Il est né dans une ville ou dans un village qu'on appelle العيينة en l'an 1115. ونشأ في أحضان أسرة فاضلة فأبوه عالم كبير من علماء نجد المعروفين وقضاة العيينة وجده سليمان عالم نجد في زمانه ومن المشهورين بالفقه والفتوى. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il est né dans une famille remplie de mérite. Et dans cette famille-là, déjà si tu regardes son père, il faisait parmi des grands savants de la région d'où il est né. Donc son père était un savant, un des grands savants très connus de sa région, et il faisait partie des juges de la région de Uyayna. Wa jadduhu Sulayman alim Najd. Donc son grand-père, qui s'appelait Sulayman, était le savant de la région dans le Najd. C'était lui le plus grand savant de cette région-là à son époque. Et c'est lui qui était connu pour sa connaissance du fiqh et sa connaissance dans le fait de délivrer des fatwas et ainsi de suite. Donc il vient d'une famille de savants. Et souvent vous allez voir que les savants, en général, c'est pas tout le temps le cas, mais dans certains cas on remarque que les savants sortent de familles qui sont justement souvent des familles dans lesquelles il y a beaucoup de science, beaucoup de savoir aussi. Exactement. Donc c'est comme si ils sont entourés d'un bon, comment je pourrais dire, d'un bon entourage. Ils baignent là-dedans depuis leur enfance, donc c'est plus facile pour eux. Par exemple, il a appris le Coran avant l'âge de 9 ans. Avant la puberté. Donc c'est parce que ses parents, ils étaient tous des mémorisateurs du Coran. Et ça, on le retrouve dans la vie des grands savants de l'islam. Avant même de partir à la quête de la science de l'islam à travers les différentes villes et les différents pays, il avait déjà mémorisé le Coran. Et par la suite, donc, il a étudié avec son père, il a étudié avec les gens de sa région, puis il est parti aussi à la Mecque et à Médine. Il est parti aussi en Irak. Elle a étudié avec les savants de l'Irak de cette époque-là. Donc, il a beaucoup voyagé en même temps pour acquérir cette science. Et il a étudié avec de grands savants de son époque. Donc, le cheikh, c'est ce qu'il dit justement. « Hafiz al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ghafarallahu lana wa lahu, al-Qur'an duna bulughi 10 sinin, wa kanat lahu musharakatun fi fununin kathira, fi al-tafsir, wal-hadith, wal-aqidah, wal-fiqh, wal-wa'ad, wa rahala fi talab al-ilmi, في ضواحي نجد إلى مكة وقرأ على علمائها ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائها كذلك كما رحل إلى بغداد فاستفاد وأفاد وأمر ونهى وأوذي فصبر وجعل الله له فرجا ومخرجا وكان الشيخ رحمه الله قد وهبه الله فهما ثاقبا وقدرة على الحفظ وصبرا على القراءة والتحصيل. Donc c'est le résumé de ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je viens juste d'expliquer, c'est ce que le cheikh il dit ici, qu'il a appris le Coran avant d'avoir atteint la puberté, qu'il a étudié dans de nombreuses sciences comme le tafsir, le hadith, la aqidah, le fiqh, l'wa'z. L'wa'z c'est quoi? C'est l'exhortation, le fait de dire aux gens, de donner aux gens des exhortations. Tu leur rappelles du paradis, de l'enfer, et tu leur rappelles de l'au-delà, ainsi de suite. Tu leur fais des discours comme ça pour revivifier leur foi un peu. Et il a fait la quête de la science à la Mecque. Auprès des ulama, il a lu avec eux, il est allé à Médine, comme je disais tout à l'heure, il a étudié avec les ulama là-bas, et à Bagdad, et ainsi à beaucoup d'autres endroits. Et il a ordonné le bien, il a interdit le mal, il a dû subir beaucoup de difficultés aussi durant sa vie, et il a fait preuve d'endurance. Et le cheikh, il a eu beaucoup d'opposition durant sa vie, beaucoup d'opposition, parce que il a vu beaucoup de choses dans sa vie qui étaient en contradiction avec l'islam dans la région où il vivait. Et disons que le cheikh, il a pris, disons, la responsabilité d'essayer de changer la situation par la parole, par l'enseignement, par l'éducation, par l'apprentissage. Et c'est ce qui fait qu'il a reçu la critique de beaucoup de gens à son époque. Et parmi ceux qui l'ont critiqué en particulier, on peut dire qu'il a eu deux grands ennemis, hein, parmi les différentes sectes. En particulier, la secte des Shia, Rafida, ça c'est les premiers, et en particulier également parmi les gens qu'on appelle les Soufiyas aujourd'hui. En particulier les adorateurs de tombes, ceux qui adorent les tombes parmi les musulmans. Parce que Donc, on va expliquer, Inch'Allah. C'est qu'en fait, le cheikh, il a eu beaucoup d'opposition de la part de ces gens-là. Puisque, il y a beaucoup d'innovations qui étaient propagées par ces gens-là. Du fait que parmi eux, par exemple, il y en a qui vénèrent les morts et vénèrent les tombes. Ils vont, par exemple, aux tombes des hommes pieux et des hommes saints. Et ils vont, par exemple, demander à ces êtres qui sont morts des faveurs, des grâces, hein, de la guérison pour une maladie. Par exemple, si une femme ne peut pas enfanter ou avoir des enfants, ils demandent aux morts. Au lieu de demander à Allah seul. Et on sait que notre religion, l'islam, elle est basée sur l'unicité de Dieu, le fait de croire que si on a quelque chose à demander, on doit demander que seulement à Allah seul. Et on ne doit demander à personne d'autre, hein, si on a besoin de quelque chose. Et donc, si quelqu'un va à une tombe et qu'il demande à un mort, il imite les chrétiens qui adorent Jésus et qui demandent à Jésus. Il imite les chrétiens qui demandent aux anges. Il imite les chrétiens qui demandent aux saints, hein. Parce que les chrétiens, vous savez, en particulier les catholiques, ils ont plus que 300 saints. Ils ont une liste de saints, hein, et ils ont même un saint, le frère Ahmed, il rit parce que il sait, on est moi-même et est-ce que lui, nous étions avant l'islam des catholiques. Donc, on a grandi dans ça. Et donc, on connaît, hein, le contexte catholique et chrétien, que les gens ont l'habitude de prier des saints, d'adorer Marie, d'adorer Jésus, de prendre ces êtres-là comme des intermédiaires entre l'homme et Dieu. Et ça, c'est de l'idolâtrie, hein. Et c'est ça la base même de l'idolâtrie. Donc, parmi les musulmans, il y en a qui sont tombés dans cette même erreur que les peuples qui ont précédé parmi les différentes nations. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens que, il y en a qui vont dire, par exemple, nous on est des pécheurs. on est des hommes faibles. On est des hommes qui commettent beaucoup de péchés. Donc, on ne peut pas s'adresser à Dieu directement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de s'adresser à Dieu directement, on va passer par quelqu'un qui est pieux, qui est mort, pour lui demander à lui, que lui demande à Dieu pour nous. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Barakallahu fik. Donc, pour répondre à ça, il n'y a aucun mal si un musulman il voit un autre musulman et qu'il lui demande, hein, surtout s'il considère cette personne comme étant plus pieuse, de lui dire, est-ce que tu peux faire un doigt pour moi? Et ainsi de suite. Mais si cette personne elle est déjà morte, enterrée dans sa tombe, là, tout devient autre, là, c'est autre chose. Parce que, attends, la question c'est, du moment que la personne demande à quelqu'un qui est mort, parce que si c'était ça, hein, par exemple, si c'était permis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait prié à des prophètes qui sont morts avant lui. Il aurait enseigné aux sahaba de prier à des morts qui étaient morts avant eux, ou à d'autres prophètes. Et non seulement ça, même les autres prophètes, Isa, et Ibrahim, et Moussa, et tous les autres prophètes qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aucun d'entre eux n'a enseigné aux hommes de demander à un mort, ou de prier un mort. Ceux qui font ça, ceux qui enseignent ça, ce sont les idolâtres. Ce ne sont pas les gens qui croient en le tawhid ou en l'unicité d'Allah. Et comme tu dis par exemple, quelle est notre notion de la mort? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué que lorsqu'on meurt, on est dans ce qu'on appelle al-barzakh. On est dans une autre dimension, un autre monde, entre cette vie et l'au-delà. Et une fois qu'on est dans ce monde-là, même si on peut dire qu'il y a une certaine vie, mais cette vie, elle n'est pas régie par les mêmes lois et les mêmes règles que celles de ce monde ici-bas. Et donc, à cause de ça, on ne peut pas s'adresser aux morts, puisque eux-mêmes ne peuvent rien faire pour leur propre personne, et encore moins faire quelque chose pour les autres. Et vous allez remarquer, si tu fréquentes une mosquée soufie, tu vas voir que malheureusement, certains d'entre eux n'ont pas compris la différence entre qu'est-ce que c'est un vivant et qu'est-ce que c'est un mort, et donc ils pensent qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les deux. Donc on va s'arrêter maintenant, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Inch'Allah, dans les prochains cours, les mercredis qui vont suivre, on aura l'occasion de commencer plus dans le livre et d'expliquer et de clarifier toutes ces questions-là plus en détail, Inch'Allah.